بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: سمعنا كثيرا من عامة الناس بأن الزوجة تحرم على زوجها بعد وفاتها، ولا يجوز أن ينظر إليها ولا يلحدها عند القبر، فهل هذا صحيح؟ Ils ont posé la question à Cheikh Ibn Baz رحمه الله: Est-ce que c'est vrai que après la mort, la femme elle a pas le droit de voir son mari, ou hakada l'inverse? Et quand il meurt, elle n'a pas le droit de le voir nu. Elle n'a pas le droit de le laver. Et lui aussi, il n'a pas le droit. Cheikh Ibn Baz قال: قد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها وأن تنظر إليه، ولا حرج عليه أن يغسلها وينظر إليه. نعم، les preuves authentiques, elles montrent l'inverse. أن c'est permis que la femme, elle lave son mari. On parle, elle rousle de al-janaza, le lavage mortuaire. La femme, elle a le droit de laver son mari. Limada li'annahu, elle avait le droit de le voir sans vêtements avant sa mort, elle a le droit de le voir sans vêtements après sa mort. Celui qui fait la différence, il doit citer le dalil. Où est le dalil? Il n'y a aucune preuve. Bel, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a cité des preuves qui montrent que c'est permis. Ala kulli hal, la femme, elle a le droit de laver son mari. Le mari, il a le droit de laver sa femme. قال وأن تنظر إليه ولا حرج عليه أن يغسلها وينظر إليها. ثم قال وقد غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه رضي الله عنهما. أسماء بنت عميس، la femme de Abu Bakr, elle s'appelait أسماء. Quand Abu Bakr رضي الله عنه il est mort, elle l'a lavé. وأوصت فاطمة أن يغسلها علي رضي الله عنها. Et كذلك فاطمة, elle a, dans son testament, elle a demandé que celui qui la lave, c'est son mari, Ali, radiyallahu anhum, ajma'in. وهذا معروف. هذا, c'était connu à l'époque de Sahaba, radiyallahu anhum. إلا بعض الناس, ils se basent sur des coutumes ou des ondis, et ils s'interdisent des choses halal. Tu trouves, بعض الناس, ils font certains péchés, ils regardent des choses haram, ils font des choses haram, et dans le halal, ils s'interdisent des choses qui sont autorisées. Une étrangère, naam, tu n'as pas le droit. Hada, c'est réservé pour la femme envers le mari envers la femme. Mais un homme, il ne peut pas laver une femme étrangère. Ou hakata, ses proches autres que sa femme. Hada, là, yambari. Matalan, sa sœur ou sa mère. Hada, là, c'est les femmes qui s'occupent de ta mère ou de ta sœur. Mimbabi, oh là, une étrangère. Amma, la femme, par rapport à son mari, et le mari, par rapport à la femme, il a le droit. As-Sahaba radiyallahu anhum, les compagnons du prophète, alayhi salatu wasalam, ils le faisaient. La référence, Majmou' al-Fatawa, le volume numéro 13, page 110, de Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah. Naktafi bihada, walhamdulillahi rabbil alameen.